Donc, comme je vous ai dit, pour ceux qui ont reçu le SMS, d'ailleurs, ça serait bien que j'aie le numéro de tout le monde, comme ça je peux vous tenir au courant à chaque fois, si je suis absent, si on fait un livre, si on fait un sujet, tout ça. Le cours pour la maman, on va pas prendre le livre qu'on prend d'habitude, la jurisprudence simplifiée. Pourquoi ? Parce que ben, c'est trop simplifié. Moi, je veux qu'on détaille plus. Et en plus, le livre, j'ai lu, et il y a des choses dedans qui m'ont pas... Par exemple, quand il parle de Mufsidat Usriyam, il parle de certaines choses qui annulent le jeûne, mais il cite pas manger, boire, des rapports intimes, il les cite pas. Il y a des choses que j'arrive pas à comprendre dans ce livre. Donc on va prendre un autre livre. Donc ceux qui comprennent l'arabe, vous allez sur internet, vous tapez Saïd al-Qahtani. Saïd al-Qahtani. Vous trouverez son site automatiquement. Dans son site, vous allez dans Al-Kutub, les livres, et vous télé, il y a, je sais pas, il doit 100 livres ou 150 livres qu'il a écrit. Et parmi ces livres, c'est à la deuxième ou la troisième page des livres, c'est As-Siyam ou fil Islam, tout simplement. Le livre, il fait 800 pages quand même. Ouais, il est bien détaillé. Et vous pouvez le télécharger gratuit en PDF. Moi, malheureusement, je n'ai pas ce livre. En fait, le Cheikh, ça c'est une parenthèse que je fais avant tout parce que c'est intéressant quand même. Ce Cheikh, c'était un élève très très proche de Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah. C'est lui qui a écrit, vous le connaissez tous en fait, Saïd al-Qahtani. C'est lui qui a écrit La citadelle du musulman, Hisn al-Muslim. Et ce Cheikh, il a fait des livres sur à peu près tous les sujets et tous les grands sujets. Il a plusieurs livres sur l'Aqidah, un livre sur Salah, qui est un gros pavé, je crois que c'est 1500 pages. Il y a vraiment tout sur Salah. D'ailleurs, je crois que pour les cours sur la prière, on va utiliser celui-là. Un livre sur Zakat, un livre sur Siyam, un livre sur le Hajj, un livre sur le Riba, un livre sur le Zawaj, un livre, voilà, tous les grands sujets. Un livre sur aussi Tarbiyatul Awlad. Très bon livre sur Tarbiyatul Awlad. Il a également un livre sur Al-Hikmatu fi Da'wa. Donc n'hésitez pas à télécharger ces livres, à les lire. Et si quelqu'un il va faire l'endroit, il me ramène le livre sur le jeûne. Moi, j'ai que celui sur la Salat. Et le jeûne, j'ai dû noter dans mon cahier pour vous le faire. Donc ça m'a pris du temps. Donc on va essayer de faire le maximum qu'on peut du livre. Parce qu'il ne parle pas que dans la Ramadan. Ça parle du jeûne en général. Il parle même du jeûne, par exemple, pour les kafarat et tout ça. Mais si on peut boucler tout le sujet du jeûne, ça serait bien. Comme c'est le Ramadan, c'est l'occasion de parler du jeûne en général. Donc le livre, il s'intitule « As-Siyam fil Islam ». Donc, dans le premier mabhath, il a divisé le livre en mabahith, c'est-à-dire comme des grands chapitres. Al-mabhath al-awwal, mafhoum al-siyam lughatan wa shar'an. Que veut dire le jeûne dans la langue arabe et dans la religion? Donc, dans la langue arabe, as-siyam, ou on peut dire aussi as-sawm. Ça vient du verbe sama yasum, qui veut dire en arabe amsaka, c'est-à-dire s'abstenir, se retenir de faire quelque chose. Donc, par exemple, les Arabes, ils appellent, ils disent « farasun sa'im », un cheval « sa'im », quand il arrête de « l'alf », c'est-à-dire, en gros, de manger. Ou alors, par exemple, ils disent « sa'man nahar », quand le soleil est à son zénith, qu'on est à la moitié du jour, et que le soleil, il semble arrêter sa course, les Arabes disaient « sa'man nahar », le jour « sa'm ».« Sa'm », ça ne veut pas dire « jeûner », ici, ça veut dire « ça s'est arrêté, le jour s'est arrêté, comme si le soleil s'était arrêté de bouger. Sama al-Nahar. Également dans le Coran, on trouve l'utilisation linguistique du verbe sama, ou du mot saum, sans qu'ils veulent dire le jeûne. Dans la Sourate Maryam, quand Jibril a dit à Maryam, si quelqu'un vient te voir, faqouli, inni navartu lirrahmani sauman. Si quelqu'un vient te voir, alors dis-lui, j'ai voué à Allah, Ar-Rahman, sawman, un sawm. Ici, ça ne veut pas dire, j'ai voué à Allah de jeûner. Ça veut dire, j'ai voué à Allah le fait de me taire toute la journée. C'est pour ça que juste après, il dit, et donc je ne parlerai à aucun être humain aujourd'hui. Donc la fin du verset, elle explique ce que veut dire le sawm. Donc pourquoi le fait de, le silence s'appelle sawm? Parce que le silence, c'est al-imsaku al-kalam, se retenir, s'abstenir de parler. Donc déjà, pour qu'on comprenne as-sawm, as-siyam dans la langue arabe. Parce que le but du cours, là, qu'est-ce que c'est en fait? J'aurais dû vous expliquer. Ce que je veux, c'est que avant que Ramadan arrive, et pendant, bien sûr, pour d'autres sujets, mais déjà avant que Ramadan arrive, il y a une autre roule fait Ramadan à la Basira. On entre pendant Ramadan et on connaît bien ce sujet. Voilà, qu'on soit parmi les musulmans qui font une pratique, qui connaissent, pas qui font une pratique voilà, en regardant ce que les autres y font. Qu'on comprenne vraiment ce que c'est le jeûne et ce que c'est Ramadan et toutes les règles de ces sujets-là. Dans la religion, le cheikh il a défini le jeûne en disant At-ta'abbudu lillahi ta'ala bil-imsaki bi-niyatin an il-akli wa-shurbi wa-sa'iri muftirati min tulu' al-fajr al-thani ila ghurub al-shamsi min shakhsin makhsus bi-shurutin makhsusa. En fait, le cheikh dans le livre, vous regarderez, il a dit Qila fi ta'rif al-siyam. Après, il a dit Waqila, Waqila, Waqila. Il a cité peut-être 6 ou 7 ou 8 définitions. Donc ça, c'est son habitude dans les livres. Il cite plein de définitions de différents savants. Et lui, après, il fait la sienne qui est inspirée de toutes ces définitions. Donc il a dit, le jeûne, c'est At-ta'abbudu lillah, adorer Allah. Ça vient de Cheikh Al-Uthaymeen, ça, rahimahullah. Toujours, il définit les adorations en disant At-ta'abbudu lillah, c'est adorer Allah en faisant telle et telle chose. Il insiste sur le fait d'abord que cette chose, la salat, la zakat, le jeûne, c'est d'abord adorer Allah. On le fait pour adorer Allah, pour lui obéir. Donc c'est adorer Allah, at-ta'abbudu lillah, bil-imsak, en se retenant, bi-niyatin, avec l'intention. Avec l'intention, on le comprend quand on dit déjà at-ta'abbudu lillah. C'est-à-dire qu'on se retient, pas pour être en forme, pas parce que c'est bon pour la santé, pas pour faire comme papa, mais bi-niyya, bi-niyati ta'abbud, avec l'intention. Que ça, c'est le jeûne qu'Allah a révélé, qu'il m'a imposé. Anil akli, donc se retenir de faire quoi? De manger, de boire. Wasa iri muftirat. Et les autres muftirat, les autres choses qui annulent le jeûne. Et dans ces choses, comme on le verra, il y a des choses qui sont unanimes. Manger, boire, les rapports intimes, ça annule le jeûne, sans divergence. Et il y en a d'autres dans lesquelles il existe des divergences entre les fuqaha. Donc il dit min tulu' al-fajr al-thani, à partir du lever de la deuxième aube. Pourquoi on dit la deuxième? Parce que il existe al-fajr al-kadhib, le faux fajr, l'aube qui n'est pas vrai quoi, et al-fajr al-sadiq, celui dont découlent toutes les règles, celui dont découle le commencement de l'horaire de la prière et l'interdiction de manger pour le jeûneur. C'est lequel? C'est le deuxième. Al-Fajr al-Sadiq. Et ils expliquent dans la différence entre le Fajr al-Karib et le Fajr al-Sadiq, c'est que Al-Fajr al-Sadiq, quand quelqu'un, le vrai Fajr, celui pour lequel on fait la prière, on avait déjà expliqué que quand quelqu'un regarde l'horizon à la fin de la nuit, le Fajr, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un long trait de lumière blanche qui apparaît et donc qui va d'est, ou plutôt du nord au sud, puisqu'il regarde l'est. Donc il s'étend de cette façon. Quand lui, il regarde l'est, il s'étend de cette façon. Et est-ce qu'il y a un espace entre cette ligne blanche et l'horizon? Non. Cette ligne blanche, elle vient de l'horizon. Elle est collée à l'horizon. Ensuite, elle ne cesse de grandir pour devenir le jour. Alors que Al-Fajr al-Sadiq, il est dans l'autre sens que Al-Fajr al-Kadhib. C'est-à-dire lui, il s'étend de l'est à l'ouest. D'une autre façon. Et ils disent, il ressemble à la queue du loup. C'est-à-dire, ce n'est pas une belle ligne droite comme le Fajr. Et également, il disparaît. Le Fajr al-Sadiq, par exemple, si on regarde l'est, on attend le Fajr, on va voir une ligne, mais dans ce sens-là, dans l'autre sens, qui ressemble à la queue du loup. Et après, elle va disparaître, cette ligne. Et la nuit, elle continue. Et plus tard, on va voir le vrai Fajr. Donc, c'est pour ça qu'il précise à partir du deuxième Fajr. Il faut comprendre ça. Sinon, vous allez revenir au lit, vous allez dire. Pourquoi deuxième? Parce qu'il y a le premier qui ne compte pas. Jusqu'au coucher du soleil, et il dit d'une personne précise, avec des conditions précises. Ça, il ne l'explique pas dans la définition, il le laisse pour après. Mais il le signale. En gros, il veut dire, c'est pas tout le monde qui jeûne, et on ne jeûne pas n'importe comment. Et tout ça, le détail, il va venir après. Al-mabhathu thani, fada'ilu siyami wa khasa'isu. Deuxième Mabhaf, deuxième grand chapitre, les mérites du jeûne et les spécificités du jeûne. Donc ça aussi, c'est une particularité du Cheikh Saïd Al-Qahtani. Ces livres, ce n'est pas des livres de fiqh purs. Il y a beaucoup de fiqh dans ces livres, mais il y a aussi beaucoup de, entre guillemets, de targhib wa targhib, d'encouragement. Il y a beaucoup de spirituel. Un livre de fiqh, il va juste parler du jeûne. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. Lui, le Cheikh, non. Il a mis un chapitre sur les mérites du jeûne, qui nous encourage en fait à jeûner. Et généralement aussi, le Cheikh Saïd Al-Qahtani, dans ce genre de chapitre, il s'étale. Il cite les hadiths. Parfois, il y a une phrase dans le hadith qui est en rapport avec le chapitre. Et le hadith, il est super long. Il cite le hadith en entier. C'est pour ça que ces livres, ils sont assez longs. Mais ça, c'est un avantage. C'est de voir les hadiths en entier. Et dans la marge, il explique d'où sort le hadith, rapporté par un tel numéro, etc. C'est vraiment bien fait, vraiment détaillé. Donc, on va citer ces différentes fada'il. Donc il dit tout simplement la première, al-maghfiratu wa al-ajru al-azim. Donc là on parle du jeûne et on parle pas de Ramadan, on parle du jeûne seulement. Que ce soit pendant Ramadan ou en dehors de Ramadan. Donc le premier mérite du jeûne, c'est qu'il assure à celui qui jeûne le pardon d'Allah et une grande récompense. Et pour cela, il a cité le verset de la sourate al-Ahzab, le verset 35 qui dit innal muslimina wal muslimat وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Donc, vous comprenez, les muslimines, les muslimettes, les mu'minines, les mu'minettes, وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ Ceux et celles qui, plus ou moins, on peut le traduire par qui obéissent à Allah, وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ Les véridiques, hommes et femmes, وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ Ceux et celles qui sont patients, وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ Ceux et celles qui ont le khushu', وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ ceux et celles qui font des aumônes, وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ Donc dans toutes ces caractéristiques, Allah a cité et ceux et celles qui jeûnent, وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ ceux et celles qui préservent leur partie intime, c'est-à-dire qui se préservent de la fornication, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ceux et celles qui mentionnent beaucoup Allah, أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا Allah leur a préparé un pardon et une énorme récompense. Donc ça, c'est un verset du Coran qui parle du mérite du jeûne. Deuxième chose, le fait qu'Allah ait dit dans le Coran, « Wa anta sumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun » Le fait que vous jeûniez est meilleur pour vous si seulement vous savez. Meilleur pour vous que le fait de manger. Et par la suite, on verra une explication plus détaillée de ce verset. Troisième chose, c'est que le jeûne fait partie des causes qui mènent à la taqwa. Puisque quand Allah a dit Kutiba ya ayyuha alladhina amanu, Kutiba alaykum as-siyam, ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit, Kama Kutiba ala alladhina min qablikum, comme il l'a été à ceux qui vous ont précédé, La'allakum tattaqun, afin que tattaqun, que vous ayez à taqwa. Donc le jeûne mène à la taqwa. Quatrièmement, le jeûne est une junna. Junna, ça signifie une protection. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ou plutôt c'est un hadith qudsi, il dit qu'Allah a dit As-siyamu junnatun lil'abdi minan nar, c'est-à-dire le jeûne, ou plutôt junnatun yastajinnu biha al'abdu minan nar, est une protection par laquelle l'individu se protège de l'enfer. Et dans un autre hadith, il a dit junnatun ka junnati ahadikum minal qital. C'est une protection comme quand l'un d'entre vous se protège dans le combat, dans un combat, comme un bouclier. Donc c'est une protection contre le mal et contre les péchés. C'est également une junnatun mina shahawat. C'est une protection contre les shahawat, c'est-à-dire les plaisirs, les désirs, charnels notamment, qui écartent l'individu du droit chemin. Puisqu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ya ma'ashara shabab, man istata'a minkumul ba'ata faliyatazawwaj » Ma'ashar, ça veut dire jama'a. C'est comme s'il avait dit jama'at al-shabab, ou vous les jeunes. Celui d'entre vous qui peut faire al-ba'a. Al-ba'a, c'est le foyer. C'est-à-dire celui d'entre vous qui peut supporter un foyer. C'est-à-dire qui peut avoir un logement, nourrir une femme, lui payer des meubles, lui payer des vêtements, etc. C'est ça al-ba'a. Faliyat azawwaj, qu'il se marie. Fa'innahu. car ça l'aide à baisser le regard et à préserver ses parties intimes. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Et celui qui ne peut pas se marier, qu'il jeûne, car ce sera comme une castration pour lui. C'est-à-dire ça va baisser ses ardeurs. Donc ça, entre parenthèses, je fais une parenthèse qui n'a pas en rapport avec le jeûne, mais ce hadith, il est simple, il est court, et il résume un grand sujet sur lequel il y a beaucoup de mauvaise compréhension. C'est que, voilà, on rentre dans le dîn, on est galérien chez ses parents, ou alors on est étudiant, ou je ne sais quoi, et puis on a grave envie de se marier. Et puis, on se dit, ou alors on nous dit, « Ouais, marie-toi, wa tawakkal ala Allah. » Bah, c'est faux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Mariez-vous. » Il a dit, « Man istata'a minkum al-ba'a. » Celui qui peut, al-ba'a, qui peut subvenir à un foyer. Donc, en gros, il a divisé les gens en deux catégories. Tu peux subvenir à un foyer, c'est-à-dire tu peux avoir un logement, nourrir une femme, la loger, etc. Marie-toi. Tu peux pas, tu jeûnes. T'attends jusqu'à ce que tu puisses. Donc il n'a pas dit, et si vous ne pouvez pas assumer un foyer, mariez-vous quand même, et puis vous inquiétez pas, ça va venir. Ça, c'est pas vrai. Le hadith, il contredit cette compréhension. Donc le tawakkul à Allah, certes, mais le tawakkul à Allah ici, ça sera dans quel sens? Celui qui ne peut pas subvenir à un foyer. Ben, dans le sens où il va chercher du travail, il va chercher à faire de l'argent, il va chercher à faire du commerce. Et dans ça, il y a tawakkal ala Allah. Mais pas, il va, il tape à la porte, je voudrais me marier avec votre fille. Ouais, d'accord. Et si je la marie demain, elle va où en fait? Il faut être logique, subhanallah. Donc oui, il y a tawakkal ala Allah. Mais pour la première étape, qui est déjà d'avoir de quoi subvenir aux besoins d'une femme et d'une famille. Donc, on avait dit, c'est que as-siyamu junna, le jeûne est une protection. Dans un autre hadith, il dit aussi « Hisnun hasinun minan nar ». Tous ces hadiths qui sont rapportés dans le Mousnad de l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié le jeûne de « Hisnun hasin ». Le hisn, c'est comme un fort. Donc un fort hasin, bien protégé contre l'enfer. Sixièmement, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam « Man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anil nari sab'ina khalifa ». Ce hadith est dans le Bukhari muslim. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne un jour, fils abilillah, dans le chemin d'Allah, Allah écarte son visage de l'enfer d'une distance de 70 automnes. C'est-à-dire, il faudrait 70 ans pour faire cette distance qui est entre lui et l'enfer. En gros, il l'écarte loin de l'enfer. Que veut dire fils abilillah dans ce hadith? Les savants, ils ont divergé sur son explication. Certains ont dit fils abilillah, ça veut dire liwajhillah. C'est-à-dire, il jeûne pour Allah. Je ne parle pas par imitation. Et notre fils abilillah, c'est-à-dire à celui qui part dans le djihad. Si en plus il jeûne, bien il a ce mérite-là, quand il est fils abilillah. Septièmement, quand Abu Umama, radiallahu anhu, un jour a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un conseil, « Mourni bi amrin yanfa'unillahu bihi »« Donne-moi, conseille-moi quelque chose qui... » Par Allah me sera yanfa'unillahu bihi, c'est-à-dire Allah le rendra utile pour moi. Il lui a dit alayka bis-sawm fa innahu la 'idla la. L'idla, ça veut dire l'équivalent comme le mithl. Donc il lui a dit alayka bis-sawm, jeûne, car le jeûne n'a pas d'équivalent. Ça c'est rapporté par l'imam An-Nasa'i rahimahullah. Bien sûr, dans d'autres hadiths on va trouver d'autres choses. Dans un autre hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam à celui qui lui pose la même question, il lui a dit la yazalu lisanuka rabban bi dhikrillah, que ta langue soit toujours en train de faire le zikr. Un autre, quand il lui a dit awsini, qu'est-ce qu'il lui a dit? La tarbab, ne te mets pas en colère. Donc comment expliquer ça? C'est que ça dépend des individus. Certains individus, la meilleure chose à faire pour lui, ça sera de se lancer dans le domaine de la salat par exemple. D'autres, ça sera le domaine de talab al-ilm, etc. Mais dans tous les cas, qu'est-ce qu'on en retire? C'est que le jeûne, c'est un grand domaine, puisqu'il lui a dit « jeûne » car le jeûne n'a pas d'équivalent. Huitièmement, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que, comme il est dit dans le Coran, le paradis a 8 portes, et qu'une de ces portes est réservée aux jeûneurs, et qu'elle s'appelle « Ar-Rayyan ». Rayyan, ça vient de ray, qui veut dire, c'est comme shaba. Shaba, c'est quand on mange, et ray, c'est pour la soif. C'est le fait d'être désaltéré, entre guillemets. Neuvièmement, le Cheikh Saïd al-Qahtani, il a retiré quelque chose d'un hadith, il a dit, Awwalul khisal, allati tudkhilul jannah. Le jeûne, c'est la première qualité qui fait entrer au paradis. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Vous connaissez le hadith avec quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, Man asbaha minkum al-yawma sa'ima. Qui d'entre vous aujourd'hui est jeûne? Abu Bakr a dit moi. Ensuite, il a dit, Man minkum ittaba'a janazatan. Qui d'entre vous aujourd'hui a suivi un convoi funéraire? Abu Bakr a dit moi. Radiallahu anhu. Ensuite, il a dit, Man minkum at'ama al-yawma miskinan. Qui parmi vous aujourd'hui a nourri un pauvre? Abu Bakr a dit moi. Et ensuite il a dit Man minkum hada al-yawma maridan. Qui parmi vous aujourd'hui a visité un malade? Et Abu Bakr a dit moi. Ensuite le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam sur ces quatre choses Majtama'na fi mri'in illa dakhala al-jannah. Quand elles sont réunies chez un homme, les quatre en même temps, il entrera au paradis. En fait, le cheikh il a dit dans le titre Awwalul khisal, quelle est la première que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citée? C'est le jeûne. Donc il l'a cité en premier, mais rien que le fait que ça fasse partie des quatre, ça montre le mérite du jeûne. Ce hadith, il est rapporté par Muslim. Également, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est la dixième, c'est que As-sawm kaffaratun lidhunub, le jeûne expie et efface les péchés. Dans un hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالصِّيَامُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ. Ça c'est dans Bukhari Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de فِتْنَةُ الرَّجُلِ, la tentation de l'homme فِي أَهْلِهِ, avec sa femme ou sa famille, وَوَلَدِهِ, ses enfants, وَمَالِهِ, ses biens, son argent, وَجَارِهِ, et c'est son voisin. Et ça veut dire quoi ici la fitna? En fait, ça veut dire la fitna dans laquelle il est tombé vis-à-vis de ces quatre choses, les péchés qu'il commet vis-à-vis des quatre. C'est-à-dire qu'entre lui et sa femme, il va faire des péchés. Vis-à-vis de ses enfants, il va commettre des péchés. Vis-à-vis de son argent, il va commettre des péchés. Et vis-à-vis de ses voisins, il va commettre des péchés. On parle ici des péchés du quotidien, des petites fautes que tout le monde commet dans ces quatre domaines. Donc le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Tukaffiruha ». Ça, c'est effacé par la prière, les aumônes, le jeûne et le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. Donc ça montre le mérite du jeûne, ça efface les fautes et les péchés du quotidien. Onzièmement, c'est un hadith. On va le lire puis on va retirer plein de choses. C'est un hadith, je l'ai cité dans la khutbah. En fait, la khutbah, je l'ai composé, comme vous le voyez, pour ceux qui l'ont entendu, à partir du livre de Saïd al-Qahtani. Donc le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, que Allah a dit. Donc ce hadith, il est dans le Muwatta, dans le Bukhari et dans le Muslim. Qala Allahu ta'ala, Allah a dit, Kullu amal ibn Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah a dit, toutes les œuvres du fils d'Adam sont pour lui. Sauf le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui le récompense. Qu'est-ce que ça signifie, sachant qu'on sait que c'est Allah de toute façon qui récompense toutes les œuvres, et que toutes les œuvres qu'on fait, elles sont pour lui. Donc pourquoi spécialement sur le jeûne, il a dit, elle est pour moi, alors que toutes les œuvres sont pour lui. Et c'est moi qui la récompense, alors que toutes les œuvres, c'est Allah qui les récompense. Ça veut dire que le jeûne, il a une distinction. Cette distinction, en fait, on la comprend dans le même hadith. Le hadith, il a plusieurs versions. Dans une version, d'abord, pourquoi un hadith, il peut avoir plusieurs versions? Ben, c'est facile. Il y a trois personnes qui m'écoutent en train de parler et moi je dis quelque chose et ils notent pas. Il se peut qu'il y en ait un qui, quand il va répéter ce que j'ai dit, une phrase, il la dit pas, mais l'autre, il l'a dit. C'est-à-dire, quand ils vont aller répéter ce que j'ai dit à quelqu'un, moi j'ai dit cinq phrases, il y en a deux, ils vont en répéter quatre en zappant, entre guillemets, une des cinq, mais le troisième, lui, il l'a retenu et donc il l'a dit. Donc c'est pour ça que parfois dans le hadith, il peut avoir des riwayat. Dans une des riwayat, c'est une transmission, on a une phrase qui n'est pas dans les autres. Ça peut venir des sahaba eux-mêmes, ou ça peut venir de ceux qui sont après, dans la chaîne de transmission. Et parfois, ces riwayat, il y en a qu'on va jeter. et il y en a qu'on va accepter. Par exemple, si 10 rapporteurs en béton, comme l'imam Malik, ils rapportent un hadith d'un cheikh, et il y en a un 11e aussi, il n'est pas aussi fort qu'eux. Ils ramènent le même hadith du même cheikh et ils rajoutent une phrase. Sa phrase, on va la jeter. Pourtant, lui, d'habitude, quand il rapporte un hadith, on le prend. Alors pourquoi là, sa phrase, on la jette? Parce que quand il est tout seul, et c'est un rapporteur de confiance, on accepte son hadith. Mais là, il n'est pas tout seul à rapporter le hadith. Il rapporte avec 10 autres. Et le fait que les 10, il n'ait pas cité cette phrase, ça nous amène à penser qu'il l'a rajouté de lui-même. Est-ce que ça veut dire en mentant? Non, parce que si on l'accuse de mensonge, on met un trait sur lui pour toujours. Pas en mentant, en se trompant. On peut se tromper, rajouter une phrase en se trompant, en confondant avec un autre hadith, par exemple. Et puis des fois, ce rajout, on va l'accepter. Ça, c'est dans les sciences du hadith. Je vous explique parce que dans beaucoup de hadiths, on va voir, et dans une version, il y a cette phrase en plus. Donc dans une version de ce hadith, c'est-à-dire Allah a dit, dans ce hadith Qudsi, « Kullu amal ibn Adam alahu illa siyam » et en fait, il dit « Kullu amal ibn Adam alahu » Al-Hasanatu bi'ashri amthaliha. Donc toutes les œuvres du fils d'Adam sont pour lui, chaque hasana est rendue par 10. Ila sab'imi'ati dhi'fin. Jusqu'à 700. Donc c'est ça que ça veut dire, toutes les œuvres de l'être humain sont pour lui. Ça veut dire qu'elles sont multipliées de 10 à 700. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sauf le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui le récompense. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette mudarafa limitée de 10 à 700. La mudarafa du jeûne, elle n'est pas limitée. Ça peut être, on sait pas combien. Et ce qui est dans ce hadith, quand on y réfléchit, les savants disent que ce que dit ce hadith, c'est écrit dans le Coran. Mais quand on y réfléchit, Allah dit dans le Coran, « Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. » Les patients se voient donner leur hisab, leur ajr, leur récompense, sans hisab, sans compte. C'est-à-dire, il n'y a pas 10, 700. Or, le jeûneur, c'est un sabir. Le jeûne, c'est un sabir. Et on va voir que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a appelé le jeûne sabr. Il a dit, en parlant de Ramadan, il a dit, shahr al-sabr, le mois de la patience. Pourquoi la patience? C'est quelle patience dans le jeûne? C'est le jeûne. Donc comme le jeûneur c'est impatient, eh bien, sa récompense elle dépasse les multiples des autres œuvres. Donc là c'est pour le début du hadith. Ensuite le hadith continue en disant wa siyam junna, comme on a vu tout à l'heure, et le jeûne est une protection. Wa idha kana yawm sawmi ahadikum fala yarfath wa la yaskhab. Quand c'est le jour où l'un d'entre vous jeûne, فَلَا يَرْفَثْ. Al-Rafath, quand on parle du Hajj par exemple, c'est quoi le Rafath? Ou bien dans le jeûne, quand Allah dit à Surat Al-Baqarah, أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. La nuit du jeûne, Allah vous a permis Al-Rafath avec vos femmes. Jima. Voilà, c'est le Jima. Mais quand le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, ici, quand vous jeûnez, فَلَا يَرْفَثْ. Al-Rafath, ça peut être aussi les paroles qui sont liées au Jima. C'est-à-dire qu'il ne doit pas dire des choses grossières, même si c'est vrai tout le temps, mais ça, dans le sens où ça l'est encore plus quand il jeûne. Il doit faire encore plus attention à ce qui sort de sa bouche. Donc il ne dit pas de paroles grossières. « Wala yasrab ». Sahab, c'est quand, par exemple, tu t'embrouilles à quelqu'un, tu te disputes, ça crie, etc. « Wala yasrab » et dans une riwaya, « Wala yajhal ». Qu'il ne fasse pas de « jahl ». Un « jahl » en arabe, ça veut dire deux choses. On a le jahl qui est le contraire de al-ilm, qui veut dire donc ne pas savoir. Et on a le jahl qui est le contraire de, je vous l'ai dit au moins 10 fois ça. Peut-être pas tous, mais c'est ceux qui suivent les cours depuis le début de la mosquée, combien de fois je l'ai dit. Al-hilm. Al-jahl, ça peut être le contraire de l'ilm et le contraire de l'ilm. Al-hilm, qu'est-ce que c'est? L'indulgence. Voilà. Souvent, on pense que l'ilm, c'est l'indulgence. Enfin, c'est indécence. Halim, ça peut vouloir dire indulgent. Mais la plupart du temps en arabe, le mot halim, il veut dire sage. C'est-à-dire celui qui a un bon comportement, il a le haïba, etc. Il ne fait pas n'importe quoi, il ne dit pas n'importe quoi. Ça, les arabes l'appellent Halim, et ils appellent ça le Him, la sagesse. Eh bien, Al-Jahl, il peut être le contraire de Him, de la sagesse. Et ça peut être même de quelqu'un qui est Alim. Donc c'est pas le même sens que Al-Jahl qui veut dire ne pas savoir. En gros, c'est comme si, pourquoi les Arabes ont appelé ça Al-Jahl? Parce que c'est comme s'il se comporte comme un, comme quelqu'un qui ne sait pas. Donc Al-Jahl, ça peut être l'ignorance et ça peut être aussi le manque de sagesse. Donc fala yajhal, qu'il n'agisse pas comme un ignorant, on pourrait le traduire comme ça. Ici, petite parenthèse pour, en langue arabe. Pourquoi j'ai lu, alors c'est où ça? Pourquoi j'ai lu? Wa idha kana yawmu sawmi ahadikum. Pourquoi j'ai pas dit wa idha kana yawma? Ismu kana. Normalement c'est khabar kana, c'est mansoub, n'est-ce pas? Alors parce que là c'est kana qui signifie en fait, je vous le dis sans l'avoir préparé, donc et finalement, je vais galérer à vous le ressortir. En fait, ça, c'est le kana qui veut dire, en fait, en français, c'est pas traduisible, mais être. C'est pas, par exemple, kana talibu maridan. L'étudiant était malade. Donc là, c'est kana qui prend deux mots, qui sont à la base un mubtada et un khabar. Al-talibu, mubtada, maridun, est malade. Si je mets kana avant, pour mettre la phrase au passé, kana talibu, maridun, le premier on l'appelle ismu kana, il reste un, marfoua, et l'autre on l'appelle khabaru kana, et il est mansoub. Mais on a un autre kana, qu'on appelle kana tamma, le kana complet. Pourquoi complet? Parce qu'il n'a pas besoin de deux mots, il n'a pas besoin de mubtada et khabar. Par exemple, tu dis, par exemple, je peux vous donner, tu dis par exemple, Kan al-Matar, pour dire en fait, entre guillemets, il y avait de la pluie. Tu n'as pas dit Kan al-Mataru, Nazilan, la pluie était en train de descendre. Ou Kan al-Mataru, Kathiran, Raziran. Non, là, tu dis Kana al-Mataru. Par exemple, je te dis Limadha lam takhruj al-ams. Pourquoi t'es pas sorti hier? Kana al-Mataru. Comment je le traduis là? C'est pas la pluie était quelque chose. C'est il y avait de la pluie. Donc c'est ce kana ici. C'est pour ça, regardez, vous voyez, wa idha kana yawmu sawmi ahadikum. Il n'y a rien après qui parle du yawm. Il n'a pas dit idha kana yawmu sawmi ahadikum ghadan. Il a dit, il a kana yawmu sawmi ahadikum, point. Si ce n'est qu'il a dit, fala yafad, etc. Il n'y a pas de khabar ici au yawm. Donc il est tout seul. Donc il reste marfoua. Il a kana yawmu sawmi ahadikum. Ça, on le trouve dans le Coran. Bon, malheureusement, là, comme ça, j'aurais du mal à vous trouver des exemples. Mais on le trouve dans le Coran. Ce kana, qu'on appelle kana at-tamma. Par exemple, si on lit avec la riwaya de l'imam Nafi'a, dans les chapitres de l'héritage, fa'in kunna nisa'an. Quand on lit avec Hafs, on dit fa'in kunna nisa'an fa'uqathnatayn. Sous-entendu, fa'in kunna. Donc, le ismu kana ici, ça va être le damir. Fa'in kunna. Nisa'an, c'est normal, khabar kana. Quand on récite avec Nafi'a, on dit fa'in kunna nisa'un. Parce qu'on dit c'est kana tamma, si c'est des femmes. C'est pas si c'est des femmes qui sont tel truc. Bon. Vous regarderez dans les livres de grammaire, ce sera mieux expliqué, inshallah. Mais voilà, pour dire pourquoi on dit idha kana yawmu sawmi ahadikum. Et même si on disait yawma, on pourrait l'expliquer, ça serait sous-entendu idha kana yawmu yawma sawmi ahadikum. Mais là, il faudrait qu'il y ait un mot qui soit sous-entendu. Donc, qu'est-ce qu'on retire ici? C'est que le jeûneur ne doit pas agir comme un ignorant, parler comme un ignorant. فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ. Si quelqu'un vient, sabba. Sabba, c'est s'insulter mutuellement. Donc si quelqu'un, en fait, sab en arabe, souvent on traduit par insulter. Mais en vérité, ça veut dire quoi, sab? Quand je parle dans le dos de quelqu'un, ça s'appelle comment en arabe? Riba. Riba. Ben, si tu le fais en face, ça s'appelle saber. Donc c'est pas forcément insulter. Par exemple, si tu dis à tel, ça te sert à rien. Dénigrer. Ouais, voilà, dénigrer, critiquer. Et par exemple, tu vas lui dire, bah, va lui dire en face. Il va en face, il dit, t'as assez radin. Il n'a pas, c'est pas une insulte. Il n'a pas dit des gros mots. Bah, c'est ça s'appelle sab en arabe. Donc souvent, dans les livres, on trouve comme si c'était insulté. On en comprend un peu comme si c'était forcément des gros mots et tout ça. Non, ça peut être une critique. Critiquer quelqu'un en face, quand c'est pas pour le conseiller, ça s'appelle sab. Donc en gros, fa'in sabbahu ahadun. Si quelqu'un, il commence à lui parler d'une mauvaise manière, à le critiquer, etc., pour rentrer en conflit avec lui, ou qatalahu. Qatalahu, c'est avec les mains. En gros, s'il veut s'en prendre à lui, falyaqul inni mur'un sa'im, qu'il lui dise, je suis quelqu'un qui jeûne. C'est-à-dire, pour ce qui est de oral, il se contente de ça. Et pour ce qui est de l'attaque physique, il commence par ça. Et si ça ne suffit pas, bah, il se défend physiquement. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Donc le prophète ici jure, sallallahu alayhi wa sallam, la khulufu fami sa'imi atyabu 'inda Allahi min rih al-misk. La mauvaise haleine qui sort de la bouche du jeûneur est préférable à Allah, atyab, c'est-à-dire elle est meilleure auprès d'Allah que l'odeur du musc. Pourquoi? Même si l'odeur en elle-même elle est mauvaise par rapport à son origine, parce que son origine c'est l'adoration d'Allah et l'obéissance à Allah. Lis-sa'imi farhatani yafrahuhuma. Le jeûneur a deux joies qu'il connaîtra. Iza aftara fariha. Quand il rompt son jeûne, fariha. Il est joyeux, il est content. Wa iza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi. Et quand il rencontrera son Seigneur, il se réjouira de son jeûne. Sachant que la première joie, c'est une joie qui est modérée, mais la deuxième, c'est tout à fait autre chose. Parce que là, c'est quand il va voir la récompense qu'il attendait pour son jeûne. Douzième chose, al-shafa'a, c'est le fait que le jeûne intercède. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que le jeûne et le Coran vont intercéder pour l'individu au jour du jugement. Le jeûne, il dira, moi je l'ai assoiffé la journée. Et le Coran, il dira, moi je l'ai empêché de dormir à la nuit. Et pour la parenthèse, qu'est-ce qu'on en comprend? Parce que parfois, on peut être étonné. Pourquoi le Coran, il va dire, je l'ai empêché de dormir à la nuit? C'est quoi le rapport? Ça montre que Qira'atul Qur'an, chez les salafs, c'était plus le fait de faire Qiyamul Layl en fait. Leur Qira'atul Qur'an, c'était plus la nuit en prière. Ça ne veut pas dire qu'on ne le récite pas ou que ça n'a pas de mérite le reste du temps, mais c'est surtout vrai dans Qiyamul Layl. Donc ils viendront intercéder pour lui. Treizième chose, dans un hadith, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, Siyamul Ramadan. Ou plutôt, il a dit dans une version, Siyamu shahri sabr, le fait de jeûner le mois de la patience, wa thalathati ayyamin min kulli shahr, et de jeûner également 3 jours par mois, tuzilu wahara sabr, font disparaître wahar, le wahar de la poitrine. Et ils expliquent le wahar par bah, tout ce qui est mauvais dans le cœur, la haine envers des musulmans, la rancœur, la jalousie, les wasawis, les mauvaises pensées. Donc le jeûne de Ramadan et le jeûne de 3 jours par mois sont une guérison pour le cœur. Treizième chose, c'est que le jeûne fait partie des portes du bien qu'on retrouve dans plusieurs hadiths. Dans le hadith de Mu'adh, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les 40 hadiths, quand il lui dit Awala adulluka ala al-khayri kulli. Veux-tu que je t'indique tout le bien? Et il lui a cité plusieurs choses, la salat, la zakat, et il lui a dit, wasiyamu junna, et le jeûne est une protection. De même, dans un autre hadith, on le retrouve ça. Il a dit à un sahabi, awala adulluka ala babin min abwabil khayr, veux-tu que je t'indique une des portes du bien? Et de la même façon, il lui a dit, la salat, l'aumône et le jeûne. Quatorzième chose, c'est un hadith qui dit, من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. Rapporté par Ahmed rahimahullah. C'est-à-dire que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne un jour pour rechercher la face d'Allah, c'est-à-dire qu'il le fait sincèrement, ختم له بها, et qu'il se trouve qu'il meurt ce jour-là, il entrera au paradis. Quinzième chose, c'est que le jeûneur, ses invocations soient acceptées. Et également lorsqu'il rompt son jeûne. Donc il y a deux hadiths qui existent à ce sujet qui sont rapportés par Ibn Majah, rahimahullah. Le premier dans lequel le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, Thalathatun la turaddu da'watuhum. Il y a trois personnes dont l'invocation n'est pas rejetée. Il a dit Sultanun Adil, Al-Mazloum, un gouverneur juste. Après, il a dit l'inverse. Al-Mazloum, parce que souvent le Mazloum, c'est le gouverneur qui lui a fait une injustice. Et il a dit Wassa'imu hatta yuftir. Celui qui jeûne jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne. Et dans l'autre hadith, il dit Inna lissa'imi inda fitrihi la da'watan ma turad. Yani la turad. Celui qui jeûne, lorsqu'il rompt son jeûne, il a une da'wa, c'est-à-dire une dua ici, qui ne sera pas rejetée. 16e chose, c'est que on trouve qu'Allah, tellement le jeûne il a du mérite, on trouve qu'Allah l'a imposé dans certaines kaffarat. C'est quoi les kaffarat? Pluriel de kaffaratun. Les expiations. Parfois, de certaines fautes, il faut les expier avec des kaffaras. Ces kaffaras, souvent, elles consistent à donner quelque chose, ou parfois à franchir un esclave, et également à jeûner. Donc, parmi ces kaffarat, fidyatul adha. Fidyatul adha, c'est-à-dire, quand on est au hajj et qu'on est en état d'ihram, on n'a pas le droit, par exemple, de se couper les cheveux. Si quelqu'un le fait, eh bien, il doit faire une fidya, qui peut être le fait de jeûner. C'est pas forcément le fait de jeûner, mais ça peut être le fait de jeûner. Donc en fait, ça peut être une sadaqa, une aumône, ça peut être en sacrifiant des bêtes pour les donner en aumône, et ça peut être le fait de jeûner. Également, la fidya de celui qui ne trouve pas al-hadi. C'est-à-dire celui qui fait le hajj en étant qarin ou mutamattir, il doit sacrifier une bête qu'on appelle al-hadi, faire une offrande. Qui sera distribué, dont il va manger et qui sera distribué aux pauvres de Mecca. Celui qui ne trouve pas, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. Il devra jeûner 3 jours quand il est au Hajj et 7 jours en rentrant chez lui. Celui qui tue un croyant par inadvertance. قَتْلُ الْخَطَأ dans Surat An-Nisa. Il doit d'abord affranchir un esclave. S'il ne le peut pas, il jeûne 2 mois. Lorsqu'on jure, on jure qu'on va faire quelque chose et finalement on décide de ne pas le faire parce que c'est mieux de ne pas le faire. La kafara, comme Allah l'a dit dans le Coran, it'amu 10 masakin min awsat ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqaba faman lam yajid fa siyam 3 ayyam. Alors, à 2 degrés. Le premier degré, c'est que on doit affranchir un esclave ou nourrir 10 pauvres ou on a le choix entre ces 3 choses, ou habiller 10 pauvres. Et si on ne peut pas faire une de ces 3, on jeûne 3 jours. Donc ça, ce n'est pas pour celui, par exemple, qui a menti en jeûnant. Non, wallah, je ne l'ai pas fait. Et l'autre, il dit, ah, tu dois jeûner 3 jours quand on est à l'école. Ça, c'est faux, ça. Quand quelqu'un il a menti en jeûnant, il n'y a pas de kafara. Il doit se repentir. La kafara, c'est quand quelqu'un il dit, par exemple, je ne sais pas moi, par exemple, cette mosquée-là, je n'irai plus prier là-bas. Wallah, j'irai plus prier là-bas. Puis après, parce qu'il y a d'autres mosquées. Et celle-là, il a juré pour une raison ou pour une autre. Après, il se rend compte que c'est mieux de revenir sur ça et puis d'aller quand même dans cette mosquée-là. Eh bien, il rompt son serment et il fait la kafara qu'on vient d'expliquer. Ensuite, il y a également jaza ou qatl al-sayd. Quand on est en état d'ihram, on n'a pas le droit de chasser. Si quelqu'un le fait quand même, il doit faire une expiation, donc qui est un peu plus compliqué à expliquer, mais qui peut se faire en jeûnant. Et enfin, al-jima'u fi nahari Ramadan. La dernière kafara, c'est quand quelqu'un il a un rapport avec sa femme, alors que c'est Ramadan, et qu'il devait jeûner. Alors il doit faire différentes choses, qui peuvent être il doit jeûner 2 mois consécutifs. Affranchir un esclave, s'il ne peut pas, il jeûne 2 mois consécutifs. S'il ne peut pas, il nourrit 60 pauvres. Alors on dirait que j'en ai oublié une, c'est Dhihar. Attendez, je regarde. Mais j'ai oublié de l'écrire. Il y a également Kaffaratu Dhihar. Dhihar, c'est quelque chose qu'on ne fait plus à notre époque. C'est comme à l'époque, ils disaient Anti alayya ka dhahri ummi. Ils disaient à leur femme, t'es comme le dos de ma mère. En fait, il veut dire par là Haram, khalas, je ne te touche plus. Pour revenir sur ça, également, il y a une kafara qui peut être de jeûner 2 mois consécutifs. Al-Mabhath al-Thalith, là on a fini avec Fada'il al-Siyam. Le troisième chapitre c'est Fawa'id al-Siyam, les bénéfices du jeûne. Le jeûne a différents bénéfices spirituels et physiques. Donc il dit Wasilatun ila taqwa. On l'a vu tout à l'heure dans les Fada'il et c'est également dans les Fawa'id. C'est-à-dire les choses bénéfiques qui reviennent au jeûneur, qu'il va en retirer. C'est que ça l'amène à la crainte d'Allah, comme le verset qu'on a cité tout à l'heure. Et il a ajouté dans l'explication le hadith dans lequel le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est rapporté par Al-Bukhari, « Man lam yada' qawla az-zur, wal amala bihi, wal jahl, fa laysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabah. » Il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne délaisse pas qawla az-zur. Qawla az-zur, en gros, ça veut dire dire le faux. Qawla az-zur, c'est simple. Les savants, ils disent en fait, toutes les paroles qui sont haram, c'est qawla az-zur. Wala amala bihi, yani l'amal biz-zur, faire le faux. Pareil, ils disent tout ce qui est haram dans les actes, c'est amal az-zur. En fait, ça veut dire celui qui ne délaisse pas de dire des péchés ou de faire des péchés. Eh bien, Allah n'a el-jahl. Al-Jahl qu'on a expliqué tout à l'heure, donc il a cité 3 choses. Qawl al-Zur, Amal al-Zur et Al-Jahl. Eh bien, Allah n'a pas besoin qu'il arrête de manger ou de boire. C'est-à-dire que quand tu arrêtes de manger et de boire, c'est pas parce qu'Allah a besoin de ça. C'est toi qui en as besoin. Donc pour en profiter, il faut que tu arrêtes de dire du mal, de faire du mal et de te comporter comme un ignorant. Donc il n'y a pas de doute que ça amène à la taqwa et ça aide à la taqwa. Parmi les fawa'id également qu'il a cité, c'est que ça amène à être reconnaissant. Shukrun ni'am, à être reconnaissant pour les bienfaits d'Allah. Et d'ailleurs, dans les versets qui parlent de siyam dans Surat al-Baqarah, Allah dit وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. C'est-à-dire qu'Allah dit ce qu'il veut de nous à travers le jeûne, qu'il ne veut pas nous imposer une difficulté, mais qu'il veut pour nous la faciliter. Et il dit وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. C'est-à-dire qu'une des leçons du jeûne, c'est الشُكْر, parce qu'on va se mettre à la place de celui qui ne mange pas, et là on va se rendre compte de ce que c'est, et on va se rendre compte des bienfaits qu'on a d'habitude. Parce que pour se rendre compte d'un bienfait, il faut en être privé. Et c'est le fait de baigner tout le temps et de façon régulière dans les bienfaits qui nous fait oublier leur valeur. Également, il dit yaqharu at-taba wa yaksuru an-nafs. C'est-à-dire ça casse le nafs, le jeûne. Parce que quand tu jeûnes pas, voilà, tu peux manger ce que tu veux, boire ce que tu veux, et tu vas pas forcément te limiter. Alors que le jeûne, il te pousse à te limiter. Donc quelque part, il te casse. Il casse cette mauvaise partie de l'âme qui est tournée vers le matériel, vers le charnel, etc. Et quand, en la cassant, eh bien, ça te donne une éducation. Et ça t'aide aussi à maîtriser ton âme. Parce que tu vas te maîtriser, tu vas te forcer à te retenir, de manger, de dire n'importe quoi, etc. Donc c'est un exercice qui va te donner une faculté à contrôler ton nafs, à contrôler ta personne et tes pulsions. Également, il dit que ça éclaircit le cœur pour qu'il fasse du zikr et pour qu'il réfléchisse. C'est-à-dire que tout ce qui est matériel, l'excès de nourriture, l'excès de boisson, l'excès de sommeil, l'excès de parole, ça pollue le cœur. Et ça l'empêche de voir plus clair, de profiter du zikr, de méditer. Donc le jeûne, comme il t'empêche de faire tout ça, eh bien ça t'aide à la méditation, notamment du Qur'an, et au zikr. Il dit également que c'est une cause pour être une cause d'empathie, si on veut, envers les pauvres. Ça t'aide à comprendre leur douleur et à partager leur douleur. Ensuite, il dit également, ça réunit toutes les catégories du sabr. Le sabr, ils disent, elle est de 3 sortes. Le sabr anil marsiya, patienter vis-à-vis des péchés, pour ne pas les faire. Le sabr al ta'a, patienter vis-à-vis des choses qu'il faut faire, parce qu'il faut de la force et il faut se forcer à les faire. Le sabr al-qadar, c'est-à-dire patienter vis-à-vis du destin. Ben, dans le jeûne, on a les 3. Dans le jeûne, on a les 3. Parce que le jeûne, quelque part, c'est quelque chose qu'Allah nous a destiné. Dans le jeûne, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Et des choses qu'il faut faire. Donc ça réunit les trois sortes de sabbat. Ensuite également, yudhiru l'ubudiyya. Celle-là, si vous revenez au livre, vous verrez que je les ai résumées. Parce que le cheikh, il détaille beaucoup et il s'étend beaucoup. Parfois, trois fawaïd, on peut les résumer en une seule. C'est ce que je vous ai fait ici. Donc la dernière, yudhiru l'ubudiyya. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça montre à quel point tu es un abd pour Allah. Et le cheikh, il a expliqué ça en disant, la plupart des jeûneurs, si on les attrapait, on les menaçait de les frapper pour arrêter de jeûner, ils jeûneraient quand même. En fait, ça prouve, même à toi-même, ça te prouve ton attachement. Parfois, ça peut même te surprendre. Tu peux dire, ah, j'ai été capable, alhamdoulilah, de faire ça. Ça te montre et ça renforce ton attachement envers Allah. Al-Mabhathu Rabi'a, le quatrième chapitre. Fada'ilu wa khasa'isu shahri Ramadan. Les mérites et les spécificités, non plus du jeûne, mais du mois de Ramadan. Donc vous voyez, quand je vous dis que le shir, il détaille, généralement quand vous lisez dans ce sujet-là, on voit tout d'un coup les mérites du jeûne, de Ramadan ou de pas Ramadan, etc. Lui, il a mis un chapitre pour le jeûne et un chapitre pour le mois de Ramadan, sans parler forcément du jeûne. Donc quelles sont les spécificités et les qualités, entre guillemets, les mérites du mois de Ramadan? La première, c'est que, bien sûr, comme Allah a dit dans le Coran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est le mois lors duquel le Coran a été révélé, a été descendu. Que veut dire le fait que le Coran a été révélé? Ça peut vouloir dire deux choses. Puisqu'on sait que le prophète, le Coran, il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Munajjaman, ça vient de Najm. Najm, ça veut dire par intermittence. Voilà, ça veut dire une part. Najm, c'est comme si tu divisais une chose en 10. Chaque chose, c'est une Najm. Donc Najm, c'est pas forcément l'étoile. Ça peut vouloir dire étoile et ça peut vouloir dire comme un prisme, quoi, comme une part. Donc Munajjaman, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le Coran par, entre guillemets, morceaux. Pas en un bloc. Sur 23 ans. Donc comment on comprend le Coran a été révélé pendant Ramadan alors qu'il a été révélé pendant 23 ans? Ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire que la première fois qu'il a été révélé, c'était pendant Ramadan. Donc là, ça fait référence à l'histoire de Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, la première fois qu'il a vu Jibril. Et ça peut vouloir dire aussi, comme le disait Abdullah ibn Abbas, que le Coran était écrit au-delà des sept cieux, fil lawh al-mahfouz, et qu'Allah l'a fait descendre écrit, le livre écrit qui est au ciel, au premier ciel. Et les deux sont, ça ne se contredit pas. Ça peut être les deux, ces deux explications. Un hadith rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah, dit également que les livres précédents, Tawrat, Injil, Suhuf Ibrahim, ont été révélés pendant Ramadan. C'est pas un hadith comme dans le Bukhari Muslim, c'est un hadith en dessous de ça. Mais pour vous dire qu'il y a un hadith qui existe qui dit ça. Ensuite, le hadith que, bi'iznillah, grâce à Allah, vous connaissez tous. قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان. Donc là pareil, on peut dire كان أول ou كان أولا. Je ne sais pas comment on l'explique, mais le sens c'est le même. Quand c'est la première nuit de Ramadan, صفدت الشياطين ومرضت الجن. Les shayatin, les démons sont enchaînés, ainsi que les djinns rebelles. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. Les portes de l'enfer sont rouliqat, c'est plus que ourliqat, c'est-à-dire fermement fermées. Et aucune porte n'en est ouverte. Wa futtihat abwabul jannati falam yughlaq minha bab. Les portes du paradis sont grandes ouvertes et on n'en ferme plus une seule porte. Wa yunadi munadin. Et quelqu'un dit. Yunadi, qu'est-ce que ça veut dire yunadi? Le munadi, c'est comme par exemple à l'époque les crieurs. Quand il fallait transmettre un message dans les rues, à l'époque, c'était quelqu'un qui disait, voilà, il donnait les décrets. Donc c'est ça, Yunadi Munadi. En gros, un ange dit de la part d'Allah, Yabari al-Khayri Akbil, wa Yabari al-Shadri Aksir, ou toi qui veux le bien, Akbil, viens. C'est-à-dire, c'est ton heure. Si tu veux le bien, c'est maintenant, c'est l'occasion. Wa Yabari al-Shadri, et toi qui veux le mal, Aksir. Abstiens-toi. C'est-à-dire que c'est maintenant, c'est le moment de s'abstenir de faire le mal. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. Et Allah a des affranchis, c'est-à-dire des gens qu'il affranchit de l'enfer, et ce, chaque nuit. C'est-à-dire chaque nuit de Ramadan, Allah écrit certaines personnes comme étant définitivement affranchies de l'enfer. Ce hadith, il est dans le Bukhari Muslim. Également, parmi les spécificités de Ramadan, c'est que Laylatul Qadr, la nuit du destin qui est meilleure que 1000 mois, elle est pendant le mois de Ramadan. Également, c'est un mois propice aux invocations. Il y a certains hadiths qui existent à ce sujet, qui ne sont pas forcément authentiques, qui sont rapportés notamment par Al-Bazzar, rahimahullah. Mais on a quelque chose dans le Coran qui nous indique ça. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Tout ça, ça parle du jeûne et de Ramadan. Et ensuite, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ça, ça parle de quoi ce verset tout seul? Si on prend tout seul, de quoi ça parle? Dua. Dua. Et après, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, de répondre à l'ordre d'Allah. Et ensuite, أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. La nuit du jeûne, il vous est permis d'avoir des rapports avec vos femmes. Donc, en plein milieu des versets sur Ramadan et le jeûne, Allah a dit, et quand, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis proche. C'est-à-dire, dis-leur que je suis proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds à la prière de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. C'est pas là pour rien. Si Allah parle de ça dans ces versets-là, c'est que, c'est pour nous, qu'on comprenne que le jeûne du mois de Ramadan, c'est propice aux invocations, qu'elles sont plus exaucées à ce moment-là. Quant aux hadiths, les hadiths qui disent ça, on en a vu un tout à l'heure, mais c'est quoi la différence? Pourquoi il n'a pas répété ce hadith ici? Le hadith de tout à l'heure, il parlait du jeûne en général, pas de Ramadan. Et les hadiths qui parlent des doigts pendant Ramadan spécialement, c'est des hadiths qui sont un peu faibles. Mais leur sens, il est vrai, puisque le Coran, il l'appuie. La chose suivante, le point suivant, c'est que, comme on l'a vu, on l'a expliqué tout à l'heure à travers les versets, c'est le mois du dhikr, c'est le mois de la patience, c'est le mois du shukr. Ça, on l'a vu, on l'a déjà expliqué. L'autre chose, le point suivant, c'est que le jeûne du mois de Ramadan efface les péchés. Donc, le jeûne, on a vu, mais plus spécifiquement, le jeûne de Ramadan. Donc, dans un hadith, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, « As-salawatul khams » وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةُ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانُ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ. Les cinq prières, le Jumu'ah jusqu'à l'autre Jumu'ah, et Ramadan jusqu'à l'autre Ramadan, c'est-à-dire le fait d'enchaîner le Ramadan, efface les péchés qui sont entre eux, tant qu'on évite les grands péchés. Je sais que le cours est un peu long, mais bon, il faut patienter, il faut faire des petits efforts parfois. Le cours d'habitude est plus long, hein. Mais c'est parce que là c'est le même sujet, c'est pour ça que ça vous paraît lourd. Dans un autre hadith, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Rahima anfu abdin dakhala alayhi ramadan falam yughfar lah. En fait, pour être précis, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça, c'est qui? C'est Jibril. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sur minbar et il a dit Amin, Amin, Amin. Et donc les sahabas lui ont dit, mais pourquoi tu as dit trois fois Amin? Et il a dit, Jibril est venu, et il a dit, en fait Jibril a fait trois doa. Une pour celui, contre celui, qui a la chance de connaître ses parents, mais qui n'entre pas au paradis. C'est-à-dire qu'il n'a pas su exploiter cette porte qui est Birrul Walidayn pour entrer au paradis. Donc il a dit, Rarima Anfu, que son nez soit traîné dans la poussière, à celui qui fait ça. Et il a dit dans les trois, il y en a un d'entre eux, c'était lequel déjà, j'ai oublié, mais un des trois, celui qui nous intéresse ici, il a dit « Rarima anfu abdin » que soit traîné dans sa poussière, que son nez soit traîné dans sa poussière, celui qui entre dans Ramadan sans avoir le pardon. C'est-à-dire qui a fait Ramadan, pour autant il n'est pas pardonné. C'est comme si le hadith, il voulait dire pour que tu fasses Ramadan, tu jeûnes Ramadan, et que tu sois pas pardonné, c'est que vraiment, tu as été négligent. C'est que vraiment, tu as fait des choses graves. Parce que c'est le mois qui est propice au pardon d'Allah. Ce hadith, il est rapporté notamment par Ibn Khuzayma et Ahmed. Autre chose, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que, ça c'est rapporté par Bukhari et Muslim, que le fait d'accomplir la Umrah pendant Ramadan équivaut à une hijja, c'est-à-dire équivaut à un hajj. Ça montre le mérite de Ramadan. C'est vrai pour aucun autre mois. Dans un autre hadith, enfin d'autres hadiths, il y a plusieurs hadiths où on trouve des sahaba qui posent des, qui demandent au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si je fais telle et telle chose, et il cite le minimum. Par exemple, un sahabi, ça s'est rapporté par Ibn Hibban, il a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si je dis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, j'accomplis la salat, je paye la zakat et je jeûne Ramadan, qu'est-ce qu'il en est de moi? Il lui a dit, ma'a siddiqi wa shuhada. Non, mina siddiqi wa shuhada. Tu fais partie des grands véridiques et des shuhada. Donc shuhada, ici, on ne traduit pas par martyr. Ça prouve que shuhada, il peut avoir un autre sens. Les grands témoins. Pourtant, il a parlé de ce que tout musulman est censé faire. Ça vous montre le mérite du jeûne du mois de Ramadan. Dans un autre hadith aussi, c'est un long hadith ça, qui est notamment au début de Sahih Muslim, quand un bédouin est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a interrogé sur les choses obligatoires. Donc il lui a juste parlé, il lui a demandé quelles sont les prières obligatoires. Il lui a dit 5 prières. Il lui a dit, en fait, si vous voulez, c'était un envoyé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait été dans une tribu. Et il leur avait transmis les obligations de l'islam. Donc un d'entre eux, il est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, ton messager m'a dit, et il lui a dit donc, qu'Allah nous a imposé 5 prières. Il a dit, c'est vrai. Il lui a dit, hal alayya ghayrun, est-ce que j'en ai d'autres à faire? Il lui a dit, la illa anta tawwa. Non, sauf si tu veux le faire de toi-même. Ça, c'est la preuve que le witr et toutes les autres prières, elles ne sont pas obligatoires. Ensuite, il lui a dit la même chose pour la zakat. Et pour le jeûne, il lui a dit, ton envoyé nous a dit que Allah nous a commandé de jeûner pendant Ramadan. Il lui a dit, oui, hal alayya ghayrun, est-ce que je dois faire un autre jeûne? Il lui a dit, la illa anta tawwa. Et pareil pour le hajj. Et à la fin, l'homme lui a dit, est-ce que si je fais ceci, j'entrerai au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui. Et il lui a dit, wallahi la azidu ala hadha wa la anqus. Il lui a dit, bien je jure que je ferai rien de plus, mais je ferai rien de moins. Et après il est parti, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, aflaha in sadaq. Il a réussi s'il dit vrai. C'est-à-dire, s'il fait ça, effectivement il ira au paradis. Ça montre le mérite du jeûne de Ramadan. Donc il y a plusieurs hadiths qui vont dans ce sens. Et aussi le hadith de Jabir que vous connaissez dans les 40 hadiths. Quand il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sens, hein, pas le terme exact, mais dans le sens quand il lui a dit si j'adore Allah sans ne rien lui associer, j'accomplis les 5 prières, je paye la zakat, je jeûne Ramadan. Il a dit wa ahlal tul halal wa haram tul haram. Ce qui est halal, je le halal entre guillemets, c'est-à-dire je le considère comme tel et je peux me le permettre. Et le haram, je le haram, je le considère comme haram et je m'en abstiens. Atrulu Jannah, il lui a dit na'am, si tu fais ça, si je fais ça, est-ce que j'entrerai au paradis? Et il lui a dit oui. Une autre chose, le point suivant sur Fada'il Ramadan, c'est le hadith que vous connaissez, dans lequel le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie, man qama ici, c'est-à-dire qui prie la nuit pendant Ramadan, imanan, parfois, ou ihtisaban. L'ihtisab, c'est le fait d'espérer la récompense d'Allah. Parfois, et pour avoir la récompense d'Allah, tous ses péchés passés lui seront effacés. Et dans un autre hadith, il a dit, c'est le même, mais vous changez le verbe qama. Man sama ramadan. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne pendant Ramadan. Et les deux hadiths, ils sont dans le Bukhari Muslim. Également, c'est le mois du tarawih. On fait les prières nocturnes en groupe dans aucun autre mois. C'est ça. Même si tu ne dors pas entre les deux, parce que le tarawih, généralement, on ne va pas dormir entre les deux, mais c'est le qiyam. Également, parmi les distinctions de Ramadan, c'est le mois lors desquels les musulmans ont gagné la bataille de Badr. Ça, c'est une des choses qui distingue ce mois de Ramadan. Une autre chose qui distingue le mois de Ramadan, c'est la parole d'Abdullah ibn Abbas, rapportée par Al-Bukhari Muslim, dans laquelle il a dit, radiallahu anhuma, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwad an-nasi bil khayr. Le prophète était la personne la plus généreuse, sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Et le moment où il était le plus généreux était Ramadan. حين يلقاه جبريل وكان جبريل يأتيه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. Il dit Jibril venait chaque nuit de Ramadan pour lui faire réviser le Coran. Fala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwadu bil khayri min ar-rih al-mursala. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam devenait plus généreux que le vent. Le vent qui? Le vent il disperse la miséricorde d'Allah, les nuages qui font tomber la pluie, le pollen, etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était spécialement généreux, plus que d'habitude pendant Ramadan, et il redoublait d'apprentissage et de lecture du Coran pendant Ramadan. Bien sûr, une des choses les plus essentielles qu'on pouvait citer au début, c'est que le jeûne du mois de Ramadan, c'est un des piliers de l'islam. Ça distingue le mois de Ramadan. C'est le mois de l'i'tikaf, de la retraite spirituelle, qu'on peut faire toute l'année. C'est pas tout le monde qui sait ça. L'i'tikaf, on peut le faire toute l'année. C'est permis toute l'année, tout le temps. Mais la sunna, c'est de le faire pendant Ramadan, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, c'est le mois de l'ijtihad, des efforts dans l'ibad. Al-Mabhath al-Khamis, cinquième chapitre, et puis on s'arrêtera après ce cinquième chapitre. Hukm al-Siyam Ramadan wa maratib fardiyati. Le jugement du jeûne de Ramadan et les différentes étapes de son obligation. Donc il dit Siyam al-Shahr Ramadan wajibun ala. Ça, on va l'expliquer un petit peu. Le jeûne du mois de Ramadan, il est obligatoire. Il est obligatoire par trois choses. Le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumu siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. De ce verset, on comprend que le jeûne, il est kutiba, obligatoire. On saute un verset, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. De ce verset, on comprend que le jeûne obligatoire, il est pendant le mois de Ramadan. C'est intéressant de comprendre parfois les choses qu'on croit évidentes, mais où elles sont dans le Coran. Et que, dans quel verset parle de ça et comment il montre ça. Dans les hadiths, il y a le hadith du Bédouin que je vous ai expliqué juste avant. Et puis tout simplement le fameux hadith que vous connaissez tous, le hadith d'Abdullah ibn Omar, Bouni al-Islam ou ala khams. L'islam a été bâti sur cinq choses. Et la quatrième, c'est Siyami Ramadan, le jeûne de Ramadan. Et l'ijma, c'est-à-dire que depuis toujours, 1438 ans, les musulmans ils sont unanimes. Enfin, pas 1438 parce que, vous savez pourquoi pas, on est en 1438, n'est-ce pas? Donc en fait, ça fait 1400 combien que les musulmans ils sont unanimes pour dire que le Ramadan il est obligatoire. Bien joué, 36, puisque le jeûne de Ramadan a été légiféré la deuxième année de l'Hégire. Donc la première année de l'Hégire, il n'y avait pas encore le jeûne de Ramadan. Donc il faut attendre 2 ans. Donc les musulmans, ils ont toujours été, il n'y a jamais eu de divergence sur ça, sur le fait que c'est le quatrième pilier d'islam et que c'est obligatoire. Et les fuqaha, quand ils expliquent ce genre de sujet, ils disent même, ils parlent même de hukm al-munkir. Quel est le jugement de celui qui renie ça? Et ils disent le jugement de celui qui renie l'obligation du mois de Ramadan, c'est qu'il est murtad, il sort de l'islam. Sauf dans 2 cas. Quels sont ces 2 cas? Ils disent Hadithul Ahdi bil Islam, celui qui vient de se convertir, c'est-à-dire lui a appris l'islam, vraiment ce que ça veut dire, il est entré dans l'islam. Il n'a pas encore eu le temps d'apprendre que Ramadan c'est obligatoire. Et il dit ah non, Ramadan comme vous faites d'habitude, non, ça c'est pas obligé. Il sort pas de l'islam en disant ça. Mais on lui apprend. Si après qu'on lui explique, il continue à dire non, moi de toute façon ce sera jamais obligatoire pour moi, là il sort de l'islam à nouveau. Et l'autre c'est man nasha'a bi badiyatin ba'idatin 'an al-islam wa al-muslimin. Un musulman mais qui vivrait dans un endroit très loin des musulmans et des savants musulmans, au point où, c'est qu'est-ce que ça veut dire ça? Au point où s'il cherche, il ne va pas trouver. Est-ce que ça existe encore ça? C'est impossible maintenant. Maintenant, celui qui cherche, même dans la montagne du Rif ou de l'Atlas ou de je ne sais pas où, s'il cherche, il va trouver. La preuve, c'est qu'en cherchant des choses moins importantes, on les trouve ou pas? On les trouve. Donc, ça, c'est Allah a'lam, est-ce que ça existe encore? En tout cas, les fuqaha, ils citent ces choses-là. Ça, c'est ce qu'on appelle al-ma'loum min ad-din bid-darura, ce qui est connu de façon évidente dans la religion. Comme l'obligation de la salat, l'interdiction de désobéir à ses parents, l'obligation de la zakat, ces choses-là, ça s'appelle al-ma'loum min ad-din bid-darura, ce qui est connu de façon évidente dans la religion. C'est-à-dire qu'un musulman, dans un pays musulman, il n'y a pas besoin d'apprendre ça. Il n'y a pas besoin de lire un livre pour savoir que le zakat, c'est obligatoire. Rien que comme ça, il le sait, tellement c'est connu. Eh bien, celui qui renie ce genre de choses, eh bien, ça fait de lui un apostat. Sauf dans deux cas. S'il grandit dans un pays où, même s'il cherchait, il ne pouvait pas savoir. Et lui, il croit, par exemple, que la salat, c'est pas obligé, que la zakat, c'est pas obligé, et il le dit. Ben, il reste musulman, parce qu'il est excusé pour son ignorance dans ce cas-là. Parce que même s'il voulait savoir, il ne pouvait pas. Il n'y a rien pour le renseigner. Et l'autre cas, c'est celui qui vient d'entrer dans l'islam. Comme il vient d'entrer, il n'a pas encore entendu ces choses-là, il est possible qu'il les nie. Mais une fois qu'on lui explique, il dit d'accord, c'est tout, c'est obligatoire, c'est obligatoire. Donc on disait... Voilà, maintenant on va parler, ça c'est intéressant. Il y a peu de gens qui le savent. Et quand vous apprenez ce genre de choses, c'est bien d'en parler à la maison. Parce que tout le monde jeûne et tout, mais il y a peu de gens qui comprennent le sujet de Ramadan et qui connaissent l'histoire de Ramadan. Donc comme on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'obligation de Ramadan lui a été révélée la deuxième année de l'Hégire. Quel mois, je ne me souviens plus, mais même les mois, dans ce genre de sujet, on les connaît. Et il a jeûné 9 Ramadan, en tout, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le Ramadan a été révélé en 3 étapes. La première étape, ala takhir, c'est-à-dire que ce n'était pas obligatoire. Le jeûne, Allah a révélé qu'il faut jeûner pendant Ramadan, et celui qui ne veut pas jeûner, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit nourrir un pauvre à la place, pour chaque jour. Ça, c'est écrit où? Dans le Coran. أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Et là la phrase وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Qu'est-ce que ça veut dire? وعلى الذين يطيقونه. Ça veut dire quoi يطيقونه? يقدرون عليه. Et pour ceux qui peuvent le faire, sous-entendu, et qui ne veulent pas, فدية, il y a une فدية, une compensation, طعام مسكين, qui est de nourrir un pauvre. Donc au début, certains musulmans y jeûnaient, et d'autres y jeûnaient pas, mais il fallait qu'ils nourrissent un pauvre pour chaque jour. Ensuite, le verset d'après, al-ayatul lati ba'da, nasakhat hadhihi al-aya. Ce verset, il a été abrogé, comme l'a dit Abdullah ibn Omar. Allah a révélé un autre verset, le verset suivant, qui dit, faman shahida minkum ash-shahra. Donc c'est le verset qui commence par shahr al-ramadan. Et dedans, on trouve la phrase « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهْرَ فَلْيَصُمْهُ » Celui d'entre vous qui « شَهِدَ » c'est-à-dire qui est là quand c'est Ramadan, qui voit Ramadan, qui est témoin de Ramadan, qu'il le jeûne. Donc là, le choix a été aboli. C'est devenu une obligation à chaque individu. Et quand le Ramadan est devenu obligatoire, c'était pas comme on le connaît maintenant. Il devait jeûner à partir du Fajr jusqu'au Maghrib. Et si jamais quelqu'un s'endormait avant le Maghrib, c'était courant à l'époque de... Parce que nous, la nuit, nous on vit beaucoup la nuit. À l'époque, rien que par exemple attendre l'Aïcha, c'était une épreuve pour les Sahaba. Nous, ça nous paraît normal. Bon, peut-être pas maintenant, mais d'habitude, Non, eux, vraiment, la nuit, ils dormaient. Donc c'était courant que quelqu'un s'endorme avant le Maghrib. Ben, s'il s'endormait avant le Maghrib, et qu'il se réveillait à l'Aïcha ou après l'Aïcha, il n'avait plus le droit de manger. Ils avaient le droit de manger qu'au coucher du soleil. Et c'est arrivé qu'un sahabi qui s'appelait Qais, il travaillait beaucoup, et il s'en est évanoui. C'est-à-dire qu'un jour, il est rentré du boulot, et il s'est endormi avant le Maghrib, et quand sa femme l'a vu, elle a dit, comme elle lui a dit déjà, « Khaybatan lak, pauvre de toi. » Elle a su qu'il ne pourrait plus manger, parce qu'il dormait. Donc après, il s'est réveillé, il ne pouvait pas manger. Et donc il a jeûné jusqu'au Maghreb du jour d'après et il s'est évanoui dans la journée. Donc il a été cet exemple pour lequel Allah a révélé le verset d'après. Uhilla lakum laylata as-siyam ar-rafath ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. Tout ça, ça parle du fait que les femmes sont permises pendant la nuit. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir de l'aube. Le fil blanc, c'est pas de prendre un fil puis de regarder s'il devient blanc. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de voir l'aube se lever à l'horizon. Et les sahaba, ils ont été très heureux quand ce verset il a été révélé. Parce que de nouveau, ils pouvaient manger toute la nuit et avoir des rapports également avec leur femme toute la nuit. Parce que ça aussi, c'était interdit. C'était interdit pendant tout le mois, les rapports avec les femmes, au début. Donc voilà les trois étapes par lesquelles est passée la révélation du Ramadan. Le sixième chapitre, on fera ça la fois prochaine, Inch'Allah. En fait, la prochaine fois, on va parler de comment on sait que Ramadan commence. Et comment on sait que c'est la fin de Ramadan. Et puis le reste, Inch'Allah ta'ala. Nas'alullah azza wa jal, an yataqabbala minna wa an yubalighana Ramadan. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.